L'haltérophile coréenne Lim Eun-sim s'est classée première à l'arraché et à l'épaulé jeté pour ainsi obtenir la première place au classement total au championnat mondial d'haltérophilie junior 2016 tenu depuis le 23 juin à Tbilissi, Géorgie. Présentée à la catégorie de 63 kg, elle a soulevé 105 kg à l'arraché, 135 kg à l'épaulé et jeté et 240 kg au total pour obtenir 3 médailles d'or en tout. L'haltérophile coréen Park Jong-joo s'est classé deuxième à la catégorie de 62 kg pour gagner en tout 3 médailles d'argent.